La pioche. Grand frère Félix et Poil de Carotte travaillent côte à côte. Chacun a sa pioche. Celle du grand frère Félix a été faite sur mesure chez le maréchal Ferrand avec du fer. Poil de Carotte a fait la sienne tout seul avec du bois. Ils jardinent, abattent de la besogne et rivalisent d'ardeur. Soudain, au moment où il s'y attend le moins, c'est toujours à ce moment précis que les malheurs arrivent, Poil de Carotte reçoit un coup de pioche en plein front. Quelques instants après, il faut transporter, couché avec précaution sur le lit, grand frère Félix qui vient de se trouver mal à la vue du sang de son petit frère. Toute la famille est là, debout, sur la pointe du pied, et soupire, appréhensive. « Où sont les selles ? Un peu d'eau bien fraîche, s'il vous plaît, pour mouiller les tempes. » Poil de Carotte monte sur une chaise afin de voir par-dessus les épaules, entre les têtes. Il a le front bandé d'un linge déjà rouge où le sang suinte et s'écarte. Monsieur Lepic lui a dit « Tu t'es joliment fait moucher. » Et sa sœur Ernestine, qui a pansé la blessure, s'est entrée comme dans du beurre. Il n'a pas crié, car on lui a fait observer que cela ne sert à rien. Mais voici que grand frère Félix ouvre un œil, puis l'autre. Il en est quitte pour la peur, et comme son teint graduellement se colore, l'inquiétude, l'effroi se retirent des cœurs. « Toujours le même, donc, » dit madame Lepic à Poil de Carotte. « Tu ne pouvais pas faire attention, petit imbécile !»